Je doute de la culture du secret, c'est ça. Moi aussi. Surtout, ouais, mais ça revient à Trump et les patriotes, ouais. Sont dans le secret. Dans la tradition tibétaine. Côté politique de la franc-maçonnerie, j'ai pas vraiment regardé. Celui-là, où il y avait la France. Juste ouais. Aux États-Unis, France qui contrôle. États-Unis, France, c'est tout, ça. Tout, parce qu'au Québec, ça a l'air d'être gentil. Oui, c'est très gentil. C'est ça. C'est... Bonjour. L'oiseau moqueur m'avait parlé de faire une entrevue, mais je prends une pause cet été. Donc, comme pour David Lévesque qui m'avait demandé un entretien, comme je faisais une pause pour cet été, je lui avais envoyé un audio. Pour l'oiseau moqueur, bon, il y a des choses qui sont arrivées dernièrement. Ce que je peux faire, c'est faire une vidéo. Je peux le faire à temps perdu. Ce qui arrive, c'est qu'il arrive des choses. Puis comme M. Blanchette, il n'a pas encore son ordinateur, je considère qu'il n'y a pas eu de réponse sérieuse. Donc, moi, je voudrais parler par rapport à M. Cossette-Trudel qui a été reçu chez Mme Paul. C'est le genre de choses que j'enverrais pas à David Lévesque parce qu'au niveau de sa chaîne, il n'aime pas trop les choses, par exemple, qui pourraient être liées à des conflits. Puis c'est tout à son honneur, d'ailleurs. L'oiseau moqueur, lui, ça le dérange moins. Donc, par rapport aux extraits vidéo, parce qu'au fond, ça va être une vidéo-réponse, à M. Cossette-Trudel qui était reçu par M. Hamel puis Mme Paul. Donc, s'il considère que ça pourrait être dangereux, qu'il y ait des problèmes par rapport au droit, les extraits vidéo que je vais mettre, il peut faire du montage puis les enlever si ça le dérange. S'il les laisse, l'oiseau moqueur, moi je m'en remets à la bonne foi de M. Hamel puis de Mme Paul puis de M. Cossette-Trudel pour considérer que c'est pas les extraits vidéo sont là pour une réponse en toute bonne foi, puis que c'est pas pour voler du matériel. Donc, ceci dit, quand M. Cossette-Trudel est reçu là-bas, il va se définir comme quelqu'un qui étudie au niveau le symbolisme, au sens universitaire. En fait, j'ai fait un doctorat en sciences des religions. J'ai commencé un deuxième doctorat en sémiologie. Je me suis rendu jusqu'à la soutenance j'ai soutenu mon projet de thèse. Alors, je tiens à dire que il dit aussi qu'il est par rapport en science des religions. En science des religions. Or, il y a une différence entre quelque chose de vécu intimement, puis en tant que sujet d'étude au niveau universitaire, comme par exemple un anthropologue ou un ethnologue peut écrire une thèse sur une tribu, par exemple, mais il n'en aura jamais la connaissance de l'intérieur comme quelqu'un qui y est né, qui y a vécu et qui y est né, c'est-à-dire au niveau surtout, ce qu'on pourrait dire, le côté par rapport à la sensibilité, le vécu. Parce que M. Cossette-Trudel aussi se présente comme un bouddhiste tibétain. Or, au niveau des traditions occidentales, il m'est difficile de considérer le bouddhisme tibétain, par exemple, comme une religion. C'est plus un système philosophique avec des influences qui s'est greffé, entre autres, sur des traditions liées à un chamanisme pré-bouddhique au Tibet, ce qui aboutit à un système, je dirais, magico-religieux. Un système philosophique magico-religieux. Puis au niveau de la tradition occidentale, à mes yeux, cela n'est pas une religion. J'irais même jusqu'à dire que cela n'a rien à voir, absolument rien à voir. Le profil qui me ressemble le plus, c'est comme Robert Langdon dans le Code da Vinci. Mmh, exactement. C'est un religiologue qui fait de la sémiologie. Tu sais, c'est... Monsieur Cossette-Trudel, il se réfère à de la fiction pour se définir. Moi, Dan Brown et le Da Vinci Code, ça ne m'a jamais intéressé parce que c'est de la soupe populaire, ces affaires-là. C'est-à-dire que je sais que j'apprendrai rien là-dedans, à moins que je veuille m'informer à une certaine époque où ça a sorti de comment c'est revenu à la mode certaines vieilles affaires, comme les histoires de, bon, Béranger, Saunière et compagnie, puis les vieilles thèses par rapport aux lignées royales. Bon, mais à part ça, là, Je vois pas l'intérêt de se référer à de la fiction. Ça veut dire que on s'adresse à un public très large. Mais l'affaire, c'est que il y a moyen d'élever les gens. On n'est pas obligé de s'abaisser au niveau de la culture populaire, sans élever justement les niveaux, si on peut dire, dans le sens que, ben, c'est bien dommage, mais ces affaires-là qu'il y a dans la culture populaire, c'est pas des références, c'est pas des bonnes références. C'est comme Richard Glenn avec Star Wars, puis ça fait qu'activer l'imagination du monde, puis c'est pas de même qu'on définit par discernement ce qui est réel puis ce qui ne l'est pas. Parce que ces affaires-là, ça fait qu'en mêler les pinceaux du monde puis brouiller les cartes. Moi, que Alexis Cossette-Trudel s'identifie à un personnage de fiction, ça me dit rien. Ça me situe pas par rapport à lui, à part le fait qu'il est peut-être un petit peu trop teinté de ça. Puis que ça nuit peut-être, puis que ça pourrait expliquer certaines choses. Entre autres, là. Ouais. La sémiologie religieuse. La sémiologie, ça analyse des symboles. Tu sais, C'est ben, c'est ce qu'on passionnant, hein? fait, C'est c'est tellement drôle, c'est ce passionnant. qu'on fait en franc-maçonnerie. Ouais. Je trouve troublant, c'est le réflexe avec lequel immédiatement M. Cossette-Trudel, il va répondre, il va acquiescer que oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est ça. Donc, je trouve ça un peu spécial. Il dit ça, M. Cossette-Trudel, comme s'il connaissait ça de l'intérieur ou s'il avait côtoyé beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je vous avoue que je trouve ça un peu troublant. Pour troller cette fois-là, tu as décidé, puis moi je ne savais même pas, Ouais. il m'arrive avec le symbole de Baphomet. Ben, Là, je je me suis comme, cherchais un symbole. ah, puis là, je dis, Je bon, me ben c'est le cherchais un diable. symbole. Tu sais, on va parler de symbolique puis de tout ça. Mais je me cherchais. Puis là, j'ai dit, ah, Baphomet. Ça, c'est le meilleur. Mais tu Ça. savais-tu que la signification avant, ou tu as recherché spécifiquement? Non, je savais que c'était quelque chose qui avait été utilisé contre les Templiers. Ce que dit M. Hamel par rapport au Baphomet, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, je m'étais senti obligé de faire une vidéo pour expliquer que c'était une synthétisation de certains principes liés à certaines lois de la nature, certains principes comme la condensation, la densification, mais aussi la dissolution, la subtilisation, mais pas au sens de remplacer quelque chose par autre chose. Donc, aussi les liens avec les sciences hermétiques, puis aussi le fait que le Baphomet d'Eliphas Lévi, c'est pas le Baphomet qui a servi contre les Templiers. Dans les procès-verbaux, on fait référence à une petite idole ou à une tête coupée. Souvent, ça change, comme s'ils n'avaient pas eu le temps de se concerter avant d'être obligés d'avouer n'importe quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que le Baphomet auquel fait référence Eliphas Lévi, il n'a pas à voir avec ça, il a à voir avec, entre autres, certaines traditions qui se sont développées. Il y a un Baphomet qui est un androgyne à deux têtes, qui tient deux sceptres avec un soleil et une lune. C'est à ce Baphomet-là qu'Eliphas Lévi fait référence. Parce que au niveau des Templiers, l'affaire, c'est que possiblement il y a eu contact avec des alchimistes sarrasins, entre autres, mais aussi peut-être que Baphomet est en fait une déformation du nom Mahomet. Donc, c'est moi, je vois pas ce qu'il y a de sage, pas en quoi c'est de la sagesse de troller, de dire des choses, de mélanger les pinceaux des gens qui nous écoutent pour faire du trollage. C'est quoi le but? Est-ce que c'est de la sagesse? Puis ma question, c'est si c'est ça le genre de sagesse qu'on se transmet initiatiquement dans vos gugus, c'est pas leur faire une bien bonne publicité ni une bien bonne image d'agir comme ça. Puis je comprends pas la logique non plus là-dedans, de rajouter de la boue dans l'eau. Parce que y a beaucoup de complots sur la maçonnerie, sur les Ouais. francs-maçons. Puis tout ça, c'est dû à la Révolution française, les Lumières. Ouais. Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans la Lumière? Les francs-maçons ont comploté Ouais. contre, puis ont réussi. Hein, Ouais. après la Révolution française, Ouais. le gouvernement a tout saisi les églises. Ouais, c'est contre les trônes et l'Église. C'est pas juste en France, c'est Ouais, le c'est projet partout. c'était partout. C'est ça, C'est c'est ça. contre les trônes, donc contre toutes les monarchies et contre l'Église. Monsieur Cossette-Trudel, soit vous avez des lacunes, soit vous mentez. Parce que, prenez au 18e siècle, les rois Georges en Angleterre sont des initiés de la franc-maçonnerie. Mais vous allez me dire qu'il y a eu des cas semblables dans des pays catholiques. Mais il reste que le complot n'est pas contre tous les trônes. Il n'est pas contre tous les trônes. Il est en particulier contre le trône français. Pourquoi? Parce que à cause du gallicanisme, voyez, à cause du baptême de Clovis, à cause parce que c'est la fille aînée de l'Église. Et qui a intérêt à faire tomber le trône français? C'est dommage, là, mais c'est pas vrai que le complot il est contre tous les trônes puis contre toutes les églises en Europe. Parce qu'il y a des intérêts liés à des monarchies ennemies de la France par rapport à ça, comme par rapport justement aux ennemis de la France, on peut dire, les trônes, on sait lesquels. Donc, c'est faux ce que vous dites de bien des façons. Ah, puis ça, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du monde. Il y a eu les Templiers ouais. qui avaient pris du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir, puis à un moment donné, Philippe le Bel, qui était le roi dans ce temps-là, avec le pape, ont décidé, on arrête tout ça, puis on les... T'as lu Les Rois Maudits? Comment? Les Rois Maudits, de Maurice Drouon? Non, j'ai pas lu. En fait, les Templiers relevaient hiérarchiquement seulement du pape. Cet ordre-là, il y a que le pape qui était au-dessus d'eux, les rois n'avaient pas autorité sur les Templiers. Et le pape était réfractaire à l'idée d'agir contre les Templiers, et c'est Philippe le Bel qui a rusé, intrigué pour forcer le pape, forcer la main du pape. Tout de suite, M. Cossette Trudel, il sort un de ses référents. Quoi? De la fiction. Comme il y en a qui pensent que Amadeus, le film Amadeus, c'est historique, là, que c'est la vie de Mozart, alors que c'est une pièce de Sacha Guitry. Encore une fois, si vos référents, c'est de la littérature au sens de la fiction, je veux dire, c'est comme moi, Claude Empereur, c'est pas des documents historiques, là. J'ose espérer que vous le savez. Et, les Rois Maudits, là, c'est-à-dire c'est Philippe le Bel qui met à mort les Templiers et Jean de Molay, le chef des Templiers, ouais. sur son bûcher, maudit le roi. Et après ça, tu as toute la succession de ces... La malédiction, tu vois la malédiction qui prend forme avec la succession de Philippe le Bel. Monsieur Cossette Trudel, le chef des Templiers, c'était Jacques de Molay, pas Jean de Molay. Ça, c'est parce que Jacques, c'est au niveau de la provenance hébraïque, c'est le diminutif de Jacob, puis ça veut dire le talon. Puis ça a une signification très importante pour quelqu'un, par exemple, qui s'intéresserait à l'eschatologie, entre autres, parce qu'au niveau là, de des hypothèses, puis j'ai peine à croire que vous puissiez faire une erreur comme ça. Baphomet vient de ce temps-là, ou la légende de Baphomet vient de ce temps-là, parce que ça faisait quand même longtemps qu'il existait cette concept-là de Baphomet, ça faisait un bon bout de temps, mais ils ont utilisé ça pour discréditer les Templiers. parce que cette image-là a été faite par Eliphas Lévi dans les années, je pense, 13 ou 1400, je ne me souviens pas exactement le temps. Monsieur Hamel, l'abbé Constant, ben, qui a défroqué Eliphas Lévi, c'est un homme du 19e siècle. Vous êtes mêlé pas à peu près, là. En fait, il a été réutilisé contre les ouais. religions, puis que ça a été associé au diable, c'est ça? Oui, comme là, aujourd'hui, toi, t'es... Madame Paul, ça n'a pas été utilisé contre les religions. Ça a été utilisé contre une religion, ou on pourrait même dire la religion. Puis là, l'affaire, là, OK, Eliphas Lévi, qui est un homme du 19e siècle, serait retourné créer son image de Baphomet dans le temps des années 1400. Puis là, selon Madame Paul, après le Baphomet d'Eliphas Lévi, il a servi au 18e siècle. Vous êtes tout mêlé. Puis vous savez pas beaucoup de quoi vous parlez, dans le fond. C'est affligeant. Vraiment, là, c'est incroyable, toutes les erreurs, des erreurs grossières. Vous êtes vraiment, vraiment mêlé. Vraiment. Monsieur Hamel croit vraiment que Eliphas Lévi, l'image qu'il a créée au 19e siècle, ça a servi dans les années 1400, qu'il ne se souvient pas sûr. Puis là, Madame Paul, elle pense que ce Baphomet-là d'Eliphas Lévi, il a aussi servi au 18e avant qu'il crée. C'est ça que vous dites. Tu avais fait une émission sur qui parlait de ça. Puis on avait fait une émission de réponse, puis ça avait été drôle. Puis ça avait nous amené pas mal de d'auditeurs aussi. Il y a des gens qui nous avaient découvert grâce à... Ça a fait lever la boue. Ouais, ça a levé la boue. Belle controverse une fois dans le temps. Je comprends pas, là. Le but, est-ce que c'est de parler sérieusement puis de sortir des choses pour justement en apprendre, je veux dire, ou c'est de faire la controverse puis de péter de la broue puis d'amener des auditeurs en disant n'importe quoi? Est-ce c'est quoi le but? C'est ça que je comprends pas. Votre but, c'est de faire la controverse? C'est ça votre job? C'est-tu ça? C'est-tu pour comme de la diversion? Moi, je me pose sincèrement la question. Parce que ça n'a pas l'air sérieux. On dirait que le but, c'est pas d'être sérieux, c'est pas de parler sérieusement. Hein? C'est pas de. Il y a moyen de parler, de ne pas se prendre au sérieux tout en prenant au sérieux de quoi on parle, me semble. C'est le but. Est-ce que le but, c'est ça ou de faire de la controverse? C'est peut-être faire monter la broue. C'est ça que vous dites. Ben, depuis, je suis une sataniste, mais je pense que ça remontait avant ça aussi, qu'on me disait que j'étais sataniste. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais, tu sais, moi, je suis plus dans la tradition tibétaine. OK, oui. Puis la mère de mon fils est tibétain, mon fils est à moitié tibétain, tibétain québécois. Des fois, quand tu vas voir comme des lamas, des grands maîtres, etc., ils vont te donner comme un cordon rouge là, que tu attaches ici. J'ai montré plein d'images de tibétains qui ont des cordons rouges, des moines, des vieux monsieur, des vieilles madame, tu sais, avec leur moulin de prière qui ont des cordons rouges. Fait que c'est... Puis moi, en 2018, quand j'ai commencé la chaîne, j'avais comme un cordon rouge. Fait que là, je parlais, j'avais mon cordon rouge, etc. Puis là, tout le monde dit, il fait partie de la cabale. La cabale. Dit, c'est quoi ton esti de preuve de ça? Puis là, il montre une image de toi avec une flèche qui pointe vers le bracelet rouge, la cabale. Puis là, je l'ai expliqué mille fois en ondes. Je veux dire, malheureusement, c'est... Ce qui est arrivé, M. Cossette Trudel, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une sortie de plusieurs artistes contre M. Trump. Des gens de Los Angeles, de New York, voyaient le genre, là, comme Robert De Niro, qui avait dit que quand il voyait, il avait envie de le frapper au visage. Puis vous aviez fait, à un moment donné, une critique de ces artistes-là, puis vous aviez parlé pas mal de tous, sauf de Madonna. Puis Madonna, elle est dans une secte, justement, qui porte des bracelets liés à un cordon rouge qu'ils entourent autour du tombeau de Rachel. C'est lié à une cabale qui n'est pas la cabala, la tradition habituelle. Puis même dans le judaïsme, sont considérés par la plupart comme une secte. Donc, vous aviez fait cette émission-là avec un petit bracelet rouge. Moi, je me souviens à l'époque vous avoir posé la question juste pour savoir c'était quoi, si c'était ça. Puis vous ne m'aviez pas répondu, c'était simplement par curiosité. Donc, je pense que c'est pas si grave que ça. Mais je pense aussi que c'était légitime que les gens se posent des questions, surtout par rapport à quelqu'un qui a la prétention, dans son discours jusqu'à un certain point, idéologiquement, de défendre les intérêts des Canadiens français, entre autres. Puis aussi, il reste que les Canadiens français, ben c'est pas au niveau de nos racines puis de notre histoire, c'est pas le bouddhiste tibétain ou des affaires de même. Donc, c'est un petit peu comme à Rome, on fait comme les Romains, voyez-vous? Donc, c'est un petit peu à vous de vous garder une petite gêne des fois, parce que comme tout le monde, ben, y a des conséquences par rapport à la façon dont vous vous gérez. Donc, c'est ça. Puis moi, entre autres, on m'a accusé d'être un maître noir qui influençait le psychisme des gens à distance. Il y a des gens qui pensent réellement que je suis une sorte de sorcier, puis que je les perturbais dans leur psychisme à distance, dans leur vie quotidienne. Il faut vivre avec. Mais moi, je considère que ça, c'est moins délirant comme accusation, c'était légitime. Puis pour être franc avec vous, les petits bracelets rouges de tibétains, je vois pas ça aussi, je vois pas ça mieux que les bracelets de cabale, là. C'est pas mal tout du pareil au même temps qu'à moi, ces affaires-là, puis je trouve toujours ça un peu mauvais signe, dépendamment des prétentions puis du discours de la personne. Le côté politique de la franc-maçonnerie, j'ai pas vraiment regardé. Celui-là, où il y avait la France. Juste aux États-Unis, France qui contrôle France, c'est tout, ça. Tout. Parce qu'au Québec, ça a l'air d'être gentil. Oui, c'est très gentil. C'est ça, c'est mais, pas pareil. C'est ça, j'ai un... OK. La franc-maçonnerie, là, est pareille partout dans le monde, sauf au Québec. Sauf au Québec. La franc-maçonnerie en France, aux États-Unis, là, c'est... Hey, là, ça, c'est pas drôle, tu sais, la collusion, puis tout, puis... Mais c'est pas au Québec. Au Québec, c'est gentil. C'est ça que vous dites. professeur d'université. Tu sais, je l'ai dit sans nom aussi. Hein. C'est que je sais qu'il y a comme dans la franc-maçonnerie, il y a comme une partie de personnes qui sont bienveillantes, etc. Mais il y a aussi à l'intérieur des loges, de certaines loges, des loges de loges de loges, puis aussi comme une structure de pouvoir et aussi des rapports, par exemple, entre. Il y a un problème des fois entre. Je trouve que ça. T'sais, par exemple, quand le ministre qui passe une loi inique et le juge qui doit statuer sur la loi font partie de la même loge, mais il y a comme un vice à la démocratie. Là. Ça, c'est en France. Oui, ben, en tout cas, peut-être plus en France. Aux États-Unis, c'est la même chose. C'est ça que vous dites. Et il y a beaucoup de ces... tu vois, il y a une lettre de George Washington. J'étais supposé la regarder avant de venir ici. Une lettre de George Washington qui écrit à une personne, je vais vous la trouver éventuellement, là, si vous tapez sur Google « George Washington letter to au sujet des Illuminati okay. », vous tombez ça sur la Library of Congress. George Washington se plaint déjà à l'époque, qui était lui aussi franc-maçon, se plaint à l'époque qu'il y a comme de l'infiltration des Illuminati. Quand on parle des Illuminati, c'est pas l'espèce de truc, là, le buzz dont tout le monde parle ces temps-ci. C'est la vraie en loge Italie. Avec Adam Weishaupt, ouais. je pense en Allemagne. En Allemagne, oui. Ouais, c'est ça, en Allemagne. C'est ça. Oui, un groupe qui avait son siège rattaché en Bavière. Puis ça a son importance quand on connaît l'histoire de tous les petits groupuscules qui se sont reproduits au cœur de ce qu'on a appelé le Saint-Empire. Puis c'est lié à des choses qui datent d'il y a quand même longtemps aussi. Prenez juste ce qui est l'histoire, la relation entre François Ier et Charles Quint. Puis plus tard, par rapport à Weishaupt, vous avez un équivalent un peu francophone qui est quand même très proche, même si on n'en parle pas souvent. Il y a quelque chose au niveau de la philosophie naturaliste de Rousseau qui est pas loin des idées de ces gens-là. Puis là, il est question de guerre entre cliques. Regardez comment Voltaire et Rousseau se sont fait la guerre. Puis... c'est pour ça que l'affaire Washington, il se plaint de ça. Ça veut pas dire que ça a plus d'allure, la République maçonnique de Washington. Ces initiés-là ont plus d'allure. Ça n'a pas rapport. Prenez Franklin, puis le Hell's Fire Club, puis toutes ces cochonneries-là. Ces horreurs-là. Donc, puis pour ce qui est de la Révolution, puis regardez qui les images de la Révolution, les figures de la Révolution, puis on nous ramène tout le temps à Calas, Jean Calas, avec par rapport à Voltaire, puis Voltaire qui est un anglophile, c'est un anglophile Voltaire, comme Talleyrand aussi qui a justement servi à confisquer tous les biens de l'Église, qui est un anglophile aussi. Donc, par rapport à tout ça, le fait qu'ils se chicanent entre eux autres, ça veut pas dire qu'il y a des bons groupes là-dedans. Hein? Les Américains, les Anglo-Saxons, moi j'en ai absolument rien à foutre de ce qui peut arriver par rapport à leurs intérêts à eux, parce que d'un point de vue circonstanciel, les cliques qui sont derrière les États-Unis, je veux dire ceux qui décident réellement, ces cliques-là, peu importe lesquels, que ce soit les Patriotes ou la Deep State, ou peu importe, tôt ou tard, les circonstances font en sorte que, au point de vue de conflit d'intérêts, c'est notre ennemi, ce sont nos ennemis, les Américains, les Anglo-Saxons en général, sont l'ennemi du Canada français, ne serait-ce que d'une façon circonstancielle, par conflit d'intérêts, tôt ou tard. Tôt ou tard, nous aurons à nous défendre encore. Il m'avait contacté plusieurs années plus tard sur Facebook en me proposant de rentrer dans les francs-maçons. Tu sais, donc, et cette personne-là, je sais que c'est une bonne personne intégrale. Tu sais, Alexis, quand je suis arrivé au Québec, on m'a proposé de rentrer chez les francs-maçons. J'ai dit non. Ils m'ont dit, tu n'iras jamais nulle part au Québec si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie. Il m'a dit ça comme ça. Puis aussi ce que Bernard Lachance expliquait, tu sais, c'est-à-dire on le fait rentrer dans la franc-maçonnerie, on va faire rencontrer René Angélil. Là, c'est comme, tu sais, c'est des... Ouais, peut-être pas une bonne idée, parce que je suis maçon depuis 11 ans, puis je suis aussi béni que les autres. Non, je sais, mais tu vois, c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit... Oui, mais c'est parce que c'est généralisé, c'est de faire de la généralisation. Non, je veux dire, c'est que, comme je le dis, il y a dans certaines loges qui sont inoffensives. Ça, tu me disais, ça, c'est surtout en France, etc. Mais regarde aux États-Unis, tu sais, il y a toute l'influence des Skulls and Bones, du Bohemian Club, ouais, etc. Mais ça, c'est pas des maçons. Même Biden, ben, c'est connexe. C'est-à-dire, c'est pas de la maçonnerie comme ouverte, c'est des sociétés secrètes qui sont sur tu sais, qui sont comme, en tout cas, c'est connexe à de la maçonnerie. Ouais, mais c'est pas des maçons. C'est ça. Ouais. C'est le même système de, comme les satanistes. C'était pas des maçons, c'était des gens qui avaient fait une loge qui ressemblait aux maçons, mais c'était pas des maçons. Les satanistes font ça aussi. Ouais. Ils ont comme une structure semblable à la franc-maçonnerie, apparemment. Parce que moi, la maçonnerie. Il y a comme des zones connexes. C'est ça. L'impression qu'il y a des, c'est pas, il y a des zones distinctes, mais aussi des zones connexes. C'est sûr qu'il y a des gens malveillants qui réussissent à monter les échelons, qui comptent. Ouais, même s'ils montraient les échelons dans la structure que moi je suis, ils seraient juste. Plus sages. Hein, c'est tout. Ils sont tellement. Ce que M. Cossette dit par rapport à certains milieux que des gens se font dire « si tu n'entres pas en franc-maçonnerie, tu n'iras jamais nulle part. Ça ne marchera pas, ta carrière ne marchera pas. » Ça, je l'ai entendu souvent. Très, très souvent. Puis tout de suite, on a notre monsieur qui supposément est comme à part, banni. Tout de suite, il arrive à la charge, là. Comme un whip. Il arrive, il dit, ben là, c'est peut-être pas une bonne idée de la façon de parler comme ça. Mais il reste que c'est un peu ça pareil. Puis c'est pas nécessairement au niveau de certains milieux différents au Québec que d'ailleurs en Occident. Là. Puis, qu'est-ce qu'il dit d'autre, donc? Moi, c'est un peu comme, là, c'est de la généralisation. Généraliser, c'est de faire de la généralisation. Non, mais je veux dire, c'est que, y a, comme je le dis, il y a... Le regard, moi, ça me rappelle des gens que j'ai connus quand ils étaient alcoolisés puis que je disais quelque chose qui les décevait. Ça ressemblait à... Je reconnais quelque chose, Mais c'est toujours... c'est un peu mou, c'est pas toujours... ça démarre pas tout le temps rapidement, mais c'est tout le temps là, M. Hamel. Dès qu'il est question de la franc-maçonnerie, quoi que ce soit, pour replacer, puis réajuster, puis c'en est suspect, c'est trop... c'est ça. À partir du moment où est-ce que tu as une structure hiérarchique avec une culture du secret puis qui est associée à des zones de pouvoir dans la société, il y a un vice démocratique. Là. Tu as un problème de... Sauf que c'est pas ça, et la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, surtout, c'est Stéphane... Il n'y a pas de structure hiérarchique. Dans celle qui n'est pas, impliquée en politique, de celle que moi, je connais. Le monsieur est un des cofondateurs de la CAQ. Mais faites-vous-en pas, dans sa loge à lui, ils sont pas impliqués en politique. C'est comme Memphis Mishraïm, là. Ils doivent s'occuper, je sais pas moi, de magie sexuelle, de géomancie, de peut-être du tricot, hein? Qui sait? Il n'y a pas des degrés, genre 33e degré? Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas ça? Oui, oui. Ben c'est ça. Il y a des degrés, puis après, il faut que tu gardes les secrets quand tu montes de degré en degré, puis c'est comme... Oui, mais il y a une raison pour ça. C'est que tu veux pas donner à ceux... Parce que c'est comme tous des petits casse-têtes. Là, des casse-têtes que tu essaies de régler. Il y a des casse-têtes qui alignent la vertu, des symboliques de vertu et tout ça. Il faut que tu les comprennes par toi-même. C'est ça, là. Bien sûr qu'une hiérarchie, il y en a tout le temps. Voyons donc. C'est décourageant. C'est pénible. C'est vraiment pénible à écouter. Puis, que sont laissés à eux-mêmes au niveau de comprendre, là, ça, on n'a pas dit. Je commence à penser à y croire. Je commence à considérer que ça doit être ça, les petits échelons, puis les petites affaires. Parce qu'elle dit que Saint-Jean-Baptiste, c'est le nom de Jésus, c'est le nom d'initié de Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est parce que là, ça ne marche plus. C'est-à-dire, il y a une filiation, je veux dire, ça fait que les évangiles ne se tiendraient plus. À force, là, de jouer avec des mythes initiatiques, que c'est de la fiction, dans le fond. Les mythes initiatiques, c'est des supports. C'est symbolique, donc. C'est des synthétisations de principes dans des récits. Donc, oui, le mythe initiatique, oui, ça existe. Mais à force de vivre dans des mythes initiatiques, vous finissez par penser que tout est un mythe initiatique. Mais c'est pas le cas. Comme les évangiles, c'est pas de la mythologie initiatique. Tant qu'à moi, je parle pour un chrétien. Ben, de la mythologie initiatique, là, c'est genre comme Hiram qui se fait donner 3 coups sur la tête. Ça, c'est des niaiseries initiatiques. Puis je pèse mes mots. Ça en est, ça, de la mythologie initiatique. Ça en est, ça, de la perte de temps. Facultés plus développées que les autres, puis on les amenait. Puis c'est à eux qu'on pouvait dévoiler ces informations-là. Puis c'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, il y a des clés à aller chercher, puis que c'est pas tout le monde qui ont la capacité de... Comme le petit jeune qui ne pourrait pas le donner. Aujourd'hui, en 2024, je trouve que cette connaissance-là devrait être démocratisée, que tout le monde devrait en avoir accès à ça, que ça soit plus un truc caché, puis qu'il faut faire des initiations. Parce que tu viens de dire que c'est pas tout le monde qui pourrait... Non, mais aujourd'hui, le monde... Ça vaut la peine d'être écouté. Puis c'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, il y a des clés à aller chercher, puis que c'est pas tout le monde qui ont la capacité de... Aujourd'hui, en 2024, je trouve que cette connaissance-là devrait être démocratisée, que tout le monde devrait en avoir accès à ça. Avez-vous vu comment elle parle, mademoiselle Paul? Madame Paul? Comment elle parle? Elle est en mesure, c'est-à-dire qu'elle a des données, elle est en mesure d'évaluer que les secrets initiatiques de la franc-maçonnerie, en 2024, ça devrait être rendu public. Donc, elle a accès à ça. Ben, je veux dire, elle parle comme... Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui ne saurait pas de quoi il est question dire que aujourd'hui en 2024, ça devrait être rendu public? Ne vous inquiétez pas. C'est certain que ça va finir par être rendu public. En architecture, il y a toujours un plan qu'on suit, puis ça fait partie du plan. Bon, les moyens employés, puis l'historique va pas être rendu public nécessairement au niveau d'archives, puis tout ça. Ça, je suis pas mal sûr. Mais ce qu'il y a derrière la doctrine, ça va finir par être rendu public. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter, Madame Paul. Peut-être qu'elle le sait. Parce que, dans le fond, on la connaît, votre religion, une contre-religion, mais on la connaît. On l'a d'en face à la journée longue, à l'année, depuis qu'on est né. Je doute de la culture du secret, c'est ça. Moi aussi. Oui, mais ça revient à Trump et les patriotes, sont dans le secret. Mais je veux dire, là, quand tu parles de renseignements, tu ne vas pas quand même pas vendre des secrets nucléaires des États-Unis. Quand M. Cossette-Trudel, il se met à bégayer, si on peut dire, un petit peu, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vient d'être dit souvent. Parce que ça fait des failles dans le paradigme, disons, sa théorisation, dans le fond, au sens où, là, c'est spécial, là, parce que c'est vrai, ce qu'on pourrait dire, ce qui est mal intentionné, souvent, va se cacher en pleine lumière. C'est, entre autres, ce qui fait partie de ça, c'est l'hypocrisie. Mais les œuvres du bien, souvent, ça va être la lumière elle-même. C'est-à-dire, bon... Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Regardez juste on le sait qu'il existe des bons organismes avec du mauvais monde dedans. Ça arrive, des pommes pourries, comme on dit. Ben, c'est un principe qui s'applique à n'importe quoi. Là, l'affaire, c'est que Madame Paul, justement, souligne ça. Elle dit si c'est si bien que ça, si c'est si clair que ça, puis tout, pourquoi il n'y a pas plus de transparence? Puis là, ce que M. Cossette-Trudel se met à patiner, il commence à... Il y a de la misère, puis là, c'est là, pop, pop, pop. Puis là, tout d'un coup, là, un peu plus de transparence, ne serait-ce qu'un peu plus, ou être un peu plus clair, ou agir plus de façon avec transparence, si c'est si bien intentionné que ça, parce que, ça serait dangereux de dévoiler tout à l'ennemi. Là, c'est rendu que c'est l'équivalent à vendre des secrets nucléaires, à donner le code du secret de... Hein? Ça, c'est une technique, ça s'appelle subjectiver le propos de l'interlocuteur. C'est-à-dire, tout de suite, vous allez faire vous allez arrondir. Hein? Ça, c'est tourné, je veux dire. Moi, on est passé pas mal d'une affaire à l'extrême, là. Être un petit peu plus clair, un peu plus de transparence, puis ça ne sera pas nécessairement dévoiler ses plans à l'ennemi. Être bien intentionné, c'est pas une stratégie, c'est une façon d'être, c'est dans la nature de ce qui est le bien. Donc, il y a moyen d'être stratégique sans que ça équivale à être plus transparent, à vendre les secrets nucléaires, puis à donner les numéros de déclenchement de la mallette nucléaire. C'est quoi ça? C'est pour subjectiver ce que Madame Paul vient de dire. Puis bien franchement, des trois, c'est celle qui est la moins pénible. à la population, à la masse. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Baphomet, par exemple, est un symbole de sagesse. C'est juste que, encore une fois... qui a été détourné c'est un symbole de sagesse. Attends, laissez-moi juste clarifier ma pensée. Ah oui, parce que là, on va dire que tu vénères Satan, Alexis, c'est un sataniste! Mais en fait, je l'ai dit dans un webjournal de toute façon, fait que ça... Là, M. Cossette-Trudel, il fait un virage à 90 degrés en équerre, puis il se met à avoir l'attitude qu'aurait quelqu'un qui s'adonne à des tractations avec une autre faction, puis là, il se fait diplomate, puis il fait des concessions. Je vous accorde que Baphomet, c'est l'image. Ces principes-là, qui sont après ça, au niveau appliqué, c'est polarisé, donc ça peut être utilisé pour le bien comme le mal, si on peut dire, même si... Mais là, c'est plus la baphométisation, c'est-à-dire une forme de magie noire, dans le fond, de dénaturer l'être humain, de l'androgéniser, dans le fond, pour le rendre malléable, de le retourner à une forme larvaire psychiquement jusqu'à un certain point au niveau du collectif, là, c'est plus ça. Non, je suis d'accord, c'est une image de sagesse, puis blablabla. Ouais, mais dans le fond, c'est de quoi il est question, là? Puis, ce virage-là en équerre à 90 degrés, qu'est-ce que c'est ça? On le voit, tu sais, je veux dire, la vidéo, c'est long, là. Moi, je mets les meilleurs moments, là, mais je veux dire, quand on le suit, on voit les... il est assez sensible, M. Cossette-Trudel, ça paraît. Puis, de la façon qu'il échange avec eux autres, on voit que c'est pas la même clic que t'as fait, là. Là, ça paraît un peu. Ça. Tu sais, c'est effectivement, encore une fois, puis c'est un petit peu, ça rejoint ce que Stéphane dit, c'est que ça s'adresse seulement à certaines personnes. Ouais. Le fait que Baphomet soit finalement, je suis en train de te donner ton argument. À ceux qui s'intéressent. Parce que si tu le dis, en public, encore une fois, là, je disais, il faut que tout soit public, mais finalement, si tu le dis en public, ça, comme ça devient problématique. Mais encore une fois, vous voyez, c'est ça le problème avec la connaissance, puis les initiés de la connaissance. Dans le sens que si c'est dans les mains des mauvaises mains, c'est mauvais. Parce que c'est polarisé. C'est ça de la connaissance. Là, symbole, la sagesse. Connaissez-vous l'histoire d'Eliphas Lévi? La vie qu'il y a eu? Comment il est mort? La magie cérémonielle, ce que ça peut faire dans le corps? Sages que d'autres, ils sont plus téméraires. Beaucoup plus téméraires. Puis là, je parle de témérité face à ce qu'on appelle l'invisible. Mais tout se paye. Puis c'est pour ça qu'on fait une différence entre des initiés de la connaissance et des initiés du savoir. Parce que quelqu'un qui a un contact avec un savoir, il ne fera pas ça. La magie cérémonielle, c'est dangereux. Eliphas Lévi, c'est pas une référence de sagesse. Tu vois, c'est parce que c'est ça. Si tu regardes la philosophie grecque, tu sais, comme des trucs comme le Parménide de Platon, c'est ouais. Tu vas dans la mystique, même dans la mystique chrétienne, comme genre chez Maître Eckhart, etc. Il y a cette conception de l'un. De l'unité fondamentale de l'univers, etc. Ouais. Et donc du dépassement de toutes les dualités. C'est pour ça le principe féminin et masculin. On dépasse le masculin féminin, on dépasse l'homme animal, on dépasse... Et donc, il y a cette espèce de... Mais c'est une perspective complètement mystique, ça. C'est une perspective complètement mystique. Or... Les affaires, l'un, il y avait déjà ça chez Platon d'Alexandrie, ce genre de mystique, là. On voit ça notamment dans certaines formes de pensée de l'Antiquité, puis même la forme de pensée, la mystique, c'est pas nécessairement une forme de pensée. Mais déjà là, si on prend, oui, là, M. Cossette-Trudel dit, même les chrétiens, ben oui, mais quand ça, même, oui, c'est vrai que les affaires de retour à l'un, puis Platon d'Alexandrie, ils n'ont rien à voir avec... Puis il y a là l'affaire, on a Maître Eckhart, là, encore les Allemands. Mais là, tant qu'à faire Hildegard de Bingen, oui, là, on peut parler de mystique, la mystique chrétienne, mais déjà là, Eckhart, on est plus dans la philosophie. Je ne considère pas Hildegard de Bingen comme une philosophe, personnellement, tandis que Eckhart, oui. Oui, c'est un philosophe pour moi, tant qu'à moi. Je pense la même chose comme, par exemple, quelqu'un comme Sainte-Thérèse d'Avila, par exemple, qui est pas. C'est ça, pour ça que je vous dis la différence entre la connaissance puis le savoir, le contact avec quelque chose, un vécu interne par rapport au christianisme, c'est différent que le christianisme théologien, philosophique, blabla. Que c'est parce que c'est pour atteindre la mystique et l'un et le, tu sais, le grand tout avec l'univers, faut que tu dépasses la grammaire conventionnelle, faut que tu arrives comme à, tu sais, à une compréhension supérieure. Mais là c'est dans le symbolisme. Oui, c'est ce qu'on retrouve dans des textes, comme je l'ai dit, le Parménide de Platon chez Maître Eckhart et d'autres. On retrouve ce genre de truc-là. Quand si tu regardes les textes mystiques, c'est ça, c'est que on va au-delà des concepts. Et donc, ouais. Pour aller au-delà des concepts, faut que tu dépasses les dualismes. OK? Ouais. Et donc, oui, ça peut représenter ça, le dépassement des dualismes, Baphomet, ça peut représenter ça. Mais encore une fois, ça s'adresse à très peu de personnes. Les gens qui sont sur une démarche de dépasser les dualismes et des démarches mystiques, généralement, c'est dans des cavernes ou dans des monastères. C'est très rare des gens qui sont... dépassé la libération. La haute voltige de M. Cossette-Trudel au niveau intellectuel, les tours de passe-passe, le Baphomet de l'Iphose Lévi est rendu... c'est de la mystique chrétienne, là. Vraiment, là, c'est si vous réécoutez depuis le début, finalement, les distorsions. De mélanger, mais tu sais, c'est un transgenre. On le voit de plus en plus dans la culture populaire. Donc mélanger l'homme et l'animal, c'est un peu ça, Dionysos. Hermaphrodite, je veux dire, ouais, hermaphrodite. Ben, je veux dire, je veux dire, il y a des seins, il y a des cornes. Ouais, c'est pas un transgenre, je comprends ce que tu veux dire. Il est homme-femme. Il est homme-femme. Mais quand tu vois une fille avec des boules, avec une barbe, c'est comme gentil, ça. Oui, mais là, il y a quand même des enfants auprès de lui aussi. Mais, et donc, tu vois, et donc c'est, là, on a l'impression que c'est ce projet-là de... Baphomet d'Eliphas Lévi, il y a un côté, oui, il y a une poitrine, mais ça n'a rien à voir avec les représentations des statues, comme la statue qu'il y a aux États-Unis avec des enfants devant. Ça, c'en est des récupérations, parce que ces groupes-là ont rien... Comment je pourrais dire? Ce projet-là est un projet d'ingénierie sociale qui est utilisé comme une arme politique pour déconstruire complètement la société. Ouais, je pense que tout est rendu une arme politique aujourd'hui. Et que, tu sais, finalement, c'est comme... en fait, c'est pas ça. C'est que c'est comme... Quand tu regardes le champ politique, tu vois comme, on dirait, les expressions sociales de Baphomet, on dirait. C'est comme... parce que c'est comme si il était... c'est comme si on dirait que je j'ai la misère avec... Il symbolisait le projet de société qu'on voit. C'est de la magie noire. Vous avez donc bien de la misère à le dire. Le principe dans ces magiques, c'est de se servir des connaissances de ce qui est subtil pour agir dans le concret, du densifié, polarisé, du plan matériel. Comme par exemple, je sais-tu, moi, servir de la suggestion pour modifier le comportement de quelqu'un selon quand on comprend ce que ça veut dire jusqu'à un certain point, c'est de la magie noire, ça, quelque part. C'est l'intention qui va faire. Tout simplement. C'est pas si complexe. Il devenait l'archétype du projet de société qu'on est en train de déployer devant nous. C'était ça aussi ma critique quand je disais par-delà la baphométisation, alors que la société a besoin d'une grammaire, tu sais, pour que les gens se construisent socialement, on a besoin de construire notre identité sexuelle, notre identité religieuse, spirituelle ou... On a besoin d'une grammaire stable et de concepts pour avoir le langage est basé sur la dualité. Le langage lui-même est basé sur la dualité. Si tu lis Saussure, la linguistique, le langage, le sens qui est attribué à la société, que Baphomet n'est plus un symbole mystique pour les sages, mais que c'est un projet politique. Il y a une dualité même dans Baphomet, donc on ne l'utilise plus dans le côté lumineux, mais sombre. pour pervertir un peu. Comment on dit ça en latin? C'est dissoudre et coaguler. Ouais. Solver et coagular. Ouais. Qui est écrit sur ses deux bras. C'est ça. Et donc, vous avez. Comme solvant pour dissoudre tous les liens de la société, toute la grammaire. Ouais. Et après ça, on va vouloir reconstruire quelque chose. C'est cette utilisation politique-là. Ben oui, c'est les deux principes par rapport à l'action magique. Une opération magique, ça peut symboliser ça aussi, puis même aussi au sens opération alchimique, dissolution, recristallisation. Mais aussi même chimique, ça s'applique à n'importe quoi. C'est des synthétisations. Donc, le fait est, dans le fond, c'est quoi le problème? C'est que non seulement il y a quelque chose qu'on détourne des choses comme ça, mais en plus, ça sert de s'arranger. Puis finalement, pendant qu'on parle de Baphomet, ben, ça devient une diversion, comme justement les gugus de drag queen. C'est de la diversion, dans le fond. Quand il y a eu cette affaire-là de scandale aux Olympiques, c'était de voir aussi ce qui se passait ailleurs dans le monde, puis comment que ça servit à détourner l'attention. Puis que, justement, Baphomet, on s'en sert comme quoi? Comme un épouvantail, puis ça détourne l'attention. C'est un peu comme les affaires de satanique panique qu'il y a eu dans les années 70-80, que ça a servi à discréditer avec 85% de faux, on a réussi à créer de compte. Déjà clair, tu peux trouver tout ça. Ben attends, c'est pas clair quand l'église de Satan utilise le symbole. Non, mais ça c'est un autre problème. C'est ça. Mais c'est parce que. Ouais. Ça commence à être. Attends, là, il y a plein de vedettes qui l'utilisent. Tu peux déjà après. Trouver par toi-même toutes les significations de ces symboles-là. C'est déjà tout. Mais quand disponible. Tu vois une vedette faire se déguiser en Baphomet avec des flammes de l'enfer. Ouais, mais ça encore là, c'est du. C'est pas. C'est du troll, là. C'est du. L'utilisation de ces symboles-là. C'est juste du troll. C'est des commandes. C'est aussi des commandes. Rendu ouais, c'est une joke, là. Tout le monde est sataniste. Mais là, on entre dans le vrai sujet. Puis c'est Mme Paul qui l'amène. Elle l'amène à l'envers, mais elle l'amène. Comment ça, donc? Hein, c'est quoi ces affaires-là, les vedettes habillées? C'est ça l'affaire. C'est que. Il y a des groupes, c'est sur longtemps, très longtemps, des gens qui ont décidé de désoccidentaliser le christianisme, puis de déchristianiser l'Occident. Puis le cœur du problème, entre autres, que vous autres, vous avez l'air de pas, c'est vous abat, vous frôlez tout le temps le sujet sans en parler vraiment, c'est que la culture populaire de maintenant, il y a des gens qui ont décidé que ça ferait partie de la culture populaire une constante injure faite au christianisme, puis que de banaliser le plus possible tout ce qui est anti-chrétien tout le temps. Absolument tout le temps. Puis vous-même, vous avez participé quelque part à ça sans vous en rendre compte. Puis vous-même, vous semblez insensible à certains aspects de ça, parce que vous êtes là, vous tournez autour du pot, puis ouais, mais gna gna gna, puis bla gna gna, bla bla. Mais il reste que vous pouvez pas le nier, ça. Qu'il y a des gens qui ont décidé de déchristianiser l'Occident, puis qu'on vit dans une culture populaire qui est une injure presque constante à l'Occident. À l'Occident, je parle le vrai. Parce que les gugus de melting pot, puis ah, si vous êtes nationaliste, vous êtes raciste, puis blablabla. En attendant, les Canadiens français, en tant que peuple, sont condamnés à disparaître au niveau circonstanciel si ça reste de même. Ça va pas prendre de 500 ans, là. Puis aussi, on peut dire la même affaire de l'Occident chrétien. Parce que c'est incroyable la vitesse que ça a pris depuis le 19e siècle. Ça n'a aucun sens. Puis ça vient tout le temps des mêmes places, entre autres. On sait ses pensées où. Laisse-moi te dire pourquoi j'ai mis ça. Non, c'est pas la bonne affaire. Pourquoi j'ai mis ça? C'est parce qu'on a beaucoup parlé de la scène et de Dionysos ou Bacchus cette semaine. Ouais. La scène de Leonardo da Vinci a été faite à la fin des années 1400. Mm. Dans ce temps-là, il était absolument interdit par l'Église de faire des idoles, de faire des statues de Jésus ou quoi que ce soit en relation avec ce qu'on a vu, le texte là, de la Bible. Mm-hmm. Donc, Leonardo da Vinci, ce qu'il a fait, là, c'était le début de la fin de l'Église. Tu sais, on a parlé des francs-maçons en 1789, ouais. où ils ont tué l'Église. Mais ça a commencé bien, bien avant, par la Renaissance, dont Leonardo da Vinci, que lui a fait des peintures pour représenter Jésus qui n'est pas supposé de faire. Mmh. Donc, c'était un complotiste, un rebelle. C'était tous des rebelles. Au début, au début de la Renaissance, là, ils ont fait un paquet de subtilités pour justement décrédibiliser puis tranquillement détruire l'Église à sa source de l'intérieur, parce que c'est même le pape, je pense, qui avait commandé ça, cette toile-là. C'est dans une église à Milan. C'est incroyable d'avoir à entendre une pareille succession de faussetés. Incroyable. La doctrine de l'Église, entre autres, premièrement, Leonardo da Vinci avait commencé comme apprenti. Une des premières toiles sur laquelle il a travaillé, parce qu'il n'était pas le seul peintre à travailler dessus, c'était un détail sur un ange. Justement, c'est un détail d'une toile d'un maître chez qui il était l'apprenti, qui représente Saint Jean-Baptiste et le Christ, le baptême du Christ. Donc, c'est complètement faux là, que c'est interdit. À la Renaissance, justement, s'il y a une redécouverte de l'art sculptural et ces choses-là, c'est que, justement, au niveau du commandement qui dit « Tu n'adoreras pas d'image sculptée », une des vues de l'Église, c'est que ça, c'est pour les Juifs qui sont sous la loi, alors que les chrétiens sous la grâce. Et donc, qu'à cause de la Nouvelle Alliance, on peut dire, puis le Nouveau Testament, qui est adossé à l'Ancien, justement, parce que d'une certaine façon, le christianisme est une réponse au judaïsme. Si ça, le christianisme a pris les formes qu'il a pris, c'est à cause du judaïsme. Mais il reste que le chrétien est sous la grâce, donc il n'a pas à être sous la loi selon la doctrine de l'Église à cette époque-là, surtout en tout cas sur des choses comme ça. Donc, puis par rapport à la scène de Da Vinci, c'est pas une toile, c'est une fresque. Puis ça n'a pas été commandé par un pape, ça a été commandé par, il me semble, c'est le supérieur d'un couvent dominicain. Puis si les moines n'étaient pas contents de la fresque, justement, c'est parce que Da Vinci, si je me souviens bien, il avait utilisé une technique à la cire, une sorte de technique nouvelle, puis ça séchait pas assez vite à son goût, puis il avait allumé des feux pour que ça sèche plus vite, ce qui fait que ça s'est dégradé d'une certaine façon, puis les moines n'étaient pas contents, mais c'est pas la première fois que Da Vinci, il y avait des commandes que le client n'était pas content, que le client, on peut-tu parler de client, les mécènes, parce que là, c'est plus du mécénat tant qu'à moi, puis c'est une forme de patronage quelque part. Mais c'est typique de la Renaissance, justement. Puis je suis surpris d'entendre autant de... Hein? Sauf qu'il a mis des petits symboles coquins dedans qui montraient sa rébellion. Puis aujourd'hui, on a vu, cette semaine, on a vu là, tout le monde s'offusque parce qu'ils ont utilisé la scène... pas la scène, c'est les drag queens. C'est les transgenres. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, ça me dérange. Si des Dominicains, en passant, c'est l'Inquisition, c'est des Dominicains, commandent une fresque pour un réfectoire qu'ils vont le voir tous les jours. Puis, ça veut dire, Da Vinci avait fait des esquisses préparatoires pour qu'il approuve le projet avant qu'il l'exécute. Là. Donc, je le sais pas, là, ça marche pas. Puis là, l'affaire, la scène aux Jeux Olympiques, il y en a qui ont dit, c'est le tableau, là, par rapport à Dionysos Bacchus, là, puis les bacchanales, on sait, tout ce que ça représente, puis tout ce qui est lié à Dionysos aussi, là, on va dire, c'est inspiré de ces... Ouais, mais le tableau qui disent que c'était pas la scène, c'est inspiré de tout ça, ce tableau-là, lui, il est inspiré de la scène. Je veux dire, jusqu'à un certain point, là, Mme Amélie Paul, elle, que justement, ça fait partie de l'injure constante au christianisme, ça, c'est quand on s'en sert pas pour le retourner, pour se servir de nous autres, parce que justement, ça a servi, moi, je pense, à détourner l'attention des choses qui se sont passées En tout cas, pour que ça soit prévu des années à l'avance, il faut le faire. Puis là, Mme Paul a dit que elle aime pas ça, elle n'a pas aimé ça, ah oui, pourquoi ça vous offusque en tant que chrétienne? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, hein? Pas tout à fait, hein? Oui, je sais que ça dérange, ça a dérangé tout le monde aussi. Mais pourrait faire une caricature de la scène, ça ne me dérangerait pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ils ont... Est-ce que c'est sérieux, ça, là? Ce qui est dérangeant, c'est les drag queens. Ils peuvent faire une caricature de la scène. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas grave. C'est bien difficile d'avoir une cohérence dans votre position. Bien difficile. Rendu là, moi, je suis perplexe. C'est peut-être que je m'en viens fatigué d'écouter ça, là. Parce que je vais voir, c'est pénible. À un moment donné, il y avait M. Pereira qui avait fait une affaire qui mêlait les Templiers à des affaires devenues. Puis j'avais écouté ça. Puis je m'étais dit, je vais faire une vidéo réponse. Mais il y avait tellement d'affaires à redire. Je me suis dit, ma vidéo va durer une heure de plus que la sienne. Fait que c'est un peu... C'est très pénible. C'est très, très pénible d'écouter. D'écouter des affaires de même, puis j'ai bien de la misère à comprendre qu'eux autres, ils comprennent pas pourquoi il y a du monde qui vont en trouver à redire. Parce que là, jusqu'à un certain point, ce qui vient d'arriver, là, c'est pas M. Hamel, c'est Mme Paul qui fait une gaffe, là. On a pris ce symbole-là, qui était déjà un symbole pour détruire l'Église, puis ils l'ont ridiculisé. Mais c'est ça, en fait, tu sais, moi j'ai pas vraiment de problème avec le fait qu'ils fassent ça, mais dans un théâtre, une pièce de théâtre, etc., là, tu parles de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui est supposée être quelque chose de très, très... La représentation de la scène peinte par De Vinci, c'était fait pour détruire l'Église. C'est ça que M. Hamel a fait, là. J'ai de la misère là, à assimiler là, tellement c'est ridicule. Puis aussi, c'est quoi donc, M. Cossette-Trudeau? Pas de problème à ce que le monde fasse ça, ridiculiser la scène, tant que c'est dans des pièces de théâtre, des films, de la culture populaire, mais pas les Jeux olympiques. Pas les Jeux olympiques, parce que, je sais pas, il doit aimer Pierre de Coubertin, ou ça, c'est plus correct, là, ça a pu... Non, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi le rapport, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi la cohérence là-dedans. Moi, personnellement, bon, que la scène soit ridiculisée dans des films, dans des pièces de théâtre, au niveau des lois, ça fait partie de l'expression comme les lois sont maintenant, donc... Je vais me contenter de pas regarder des films de même puis de pas avoir des pièces de théâtre de même, mais il reste que quelque part que le monde fasse ça. Oui, j'ai un petit problème avec ça, tu sais, je me mêle de mes affaires, mais si on me le demande, non, je n'aime pas ça. Mais bon, M. Cossette-Trudel, lui, il n'y a pas de problème avec ça. En droite ligne, avec tout le reste qu'ils font depuis le début, c'est-à-dire, puis moi, je pense que ce qu'ils ont fait là, c'était vraiment pour choquer, pour montrer l'état actuel de la société, comment c'est débile. Non. Bien sûr que ça a été fait pour choquer, ben, pas par les exécutants. Eux, choquer, c'est leur mode de vie jusqu'à un certain point. Je veux dire, mais ils le savent pas nécessairement, alors que plus haut, on peut dire les chorégraphes, tout ça, puis bon, là, eux autres, là, je commence à considérer, oui, c'est volontaire. Mais les idiots utiles, c'est pas nécessairement volontaire. D'ailleurs, après, c'est eux qui prennent les coups, qui ont des problèmes. Ceux qui sont visibles. On l'a vu. Là, l'affaire que on y aurait des spectacles débiles pour dénoncer le fait que c'est rendu débile. Peut-être qu'il y a des spectacles débiles parce que c'est débile, tout simplement. Non, on fait pas des affaires débiles pour montrer que c'est débile. On fait des affaires débiles parce qu'on est débile, puis qu'il y a du monde qui ont voulu qu'on soit débile, puis ça, eux autres sont pas débiles. Moi, je pense pas ça. Tu penses pas ça? Non, je pense qu'ils sont dans le prosélytisme. Je pense qu'ils sont dans le gavage. Tu fais du prosélytisme, tu mets quelque chose de beau, puis d'accueillant, puis de. Mais tu les drag queens dans les écoles, c'est pas beau et accueillant. Ils sont dans le choc. Ils sont dans la théorie du choc. C'est-à-dire qu'ils vont présenter des drag queens devant les enfants. Ils vont faire des vidéos. Des vidéos où est-ce que tu as un petit enfant, genre de 6 ans. C'est tellement gros que ça me fait penser que c'est une pièce de théâtre, ça aussi. Puis ils font exprès pour choquer le monde. Bien sûr que c'est fait pour choquer. Voyons. Du théâtre, c'est de la diversion. Ça fait longtemps qu'on le sait. Depuis le début, depuis le début. C'est de la diversion. Pendant que tout le monde chialait sur ce qui s'est passé à la cérémonie d'ouverture, avez-vous vu ce qui se passait ailleurs? Non. Non. J'en ai pas entendu parler de ça par vous autres, qu'il y a peut-être une diversion qui était très bien timée, puis timée pas à peu près, hein? Derrière la présidence française, il y a tout le temps l'ombre d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Attali, puis c'est lui puis ses amis, entre autres, à la cérémonie des jeux d'ouverture, tant qu'à moi, qui ont voulu ça de même, hein, c'est pas évident ça, puis il n'y a pas des gugus et tout, il y a des affaires comme à Montréal, là, le Bnai Brit, puis que, ah oui, on va mettre Michael Applebaum, maire de Montréal, son père Moïse Applebaum, personne le connaît, personne n'en parle, personne dit c'est qui, ben non, les francs-maçonneries, selon M. Hamel, ça n'a rien à voir avec la cabale, rien, ça n'a rien à voir avec, non, toute l'histoire n'existe plus, toute la trame logique qu'on connaît, puis qu'il n'y a rien de caché, tout ça, de notre faute, c'est pas grave, puis là, on est des génies, hein, on se rend compte que c'est pour choquer, ça là, selon moi, c'est pour choquer, selon moi, c'est du théâtre, puis là, pendant qu'on est devant le théâtre, ça, c'est pour choquer, c'est du théâtre. Okay. Attends, il s'attendait peut-être à ce que là, on soit choqué, puis dit, regardez comme il y a de l'homophobie, puis de la haine sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est que là, ils ont créé une division extraordinaire, encore une fois. Ouais. C'est que tous ceux qui sont... Mais finalement, ils ont rallié tout la plupart des gens contre eux. C'est comme au Québec, les drag queens dans les écoles. Rappelle-toi, là... Le fameux Ça ira. Ah, ça ira, c'est quoi les... Qui chantait ça? Les Aristocrates, c'est une chanson... Mais à quel moment? Moi, je n'ai pas écouté la cérémonie. C'est dans la Révolution française. Je ne sais pas de quoi ce que je parle, je n'ai pas écouté. Ah, ça ira, les Aristocrates à la lanterne. La lanterne, c'est... puis après ça, c'est Ah, ça ira. Les Aristocrates, on les pendra. La lanterne, c'est où ce qu'il les pendait. Mm-hmm. Les lanternes pendant la ouais. Révolution industrielle. Ben oui, hein, c'est du théâtre, c'est pour choquer. Mais là, dépendamment qui on veut choquer, c'est correct ou c'est pas correct, selon Hamel. Il déparle, ce monsieur-là. Il déparle, il y a de la misère à exprimer son idée d'une façon claire et nette. Il est toujours tout mêlé. Là, on arrive à un point... Là, on arrive dans les choses intéressantes, sérieuses. Puis on va le montrer que M. Hamel, moi, que je considère que M. Hamel, il est choqué quand ça fait son affaire, puis quand c'est d'autres qui se font attaquer, ça, là, ça le dérange plus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis moi, je considère que ce bonhomme-là est brainwashed. C'est pour ça qu'il est franc-maçon. Puis que c'est pour ça qu'il trippe de même. Puis vous allez le voir, regardez bien, puis après, moi j'ai l'intention de commenter pourquoi je trouve ça encore plus choquant que les drag queens, pourquoi je considère M. Hamel plus choquant que la cérémonie des jeux d'ouverture, pourquoi, en parlant de théâtre puis de choquer exprès, là, à quel point, là, dans le fond, là, on regarde peut-être pas dans la bonne direction tout le temps, parce que moi c'est bonne valeur, mais là, on va atterrir dans la fange, la vraie. De l'endormissement total. L'endormissement total de prendre ce que le lait pour le beau, le mal pour le bien, et ainsi de suite. Ouais, mais beaucoup plus accessible alors qu'il est là, le message est clair. Hein, les aristocrates, on les pendra avec Marie-Antoinette. C'était assez poignant, là. Mais c'est Marie-Antoinette, vrai que monsieur, madame, tout le monde ne fait pas cette réflexion-là. Sa tête d'un bras. C'était extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. On va dans la ligne de ça. Il y a aussi l'autre possibilité, c'est que c'est une célébration finalement du moment fondateur pour eux. C'est-à-dire, ils ont coupé la tête du roi, puis après ça, ils ont eu le. Ouais, mais ils ont eu les aristocrates. Bon, là, je suis tanné. Il y aura encore d'autres stocks, il y aura encore d'autres affaires, puis c'est la dernière affaire que je commande, parce que c'est le bout de la merde, puis là, je suis plus capable. C'est qui les premiers qui ont fait ça, décapiter le roi? Ça vient d'où, ça? Ça a commencé comment? et Charles Ier posa sa tête sur le bio. Mère Antoinette, ils l'ont habillé comment? Avec une robe rouge. Comme Marie Stuart d'Écosse. Attends, Minou! Donc, c'est quoi au niveau du gallicanisme? Le roi est représentant de qui? Le rouge, c'est la couleur de quoi aussi? C'est le manteau. La couleur du manteau du Christ qui représente le sang de la rédemption. C'est une attaque contre le Christ, ce qu'ils ont fait carrément. Sauf c'est Mère Antoinette. Donc, pour les Français, ça passe mieux. Puis même là, ça, c'est pas normal. Puis de voir Amel avec sa bédaine qui commence au niveau du foie, puis que ça a l'air dur, puis sa voix éraillée, qui jouit, c'est extraordinaire. C'est dans les affaires les plus odieuses que j'ai vues de ma vie. Puis odieux, ça veut dire qu'il suscite la haine. Puis il n'y a rien que ce bonhomme-là pourrait faire pour se réhabiliter à mes yeux. Rien. Parce que là, on parle d'une âme perdue, tant qu'à moi. Puis même là, je suis peut-être opiniâtre de dire ça. Mais il reste que ça passe pas. Puis M. Cossette Trudel qui est allé faire des tractations, puis aller lui faire des concessions, puis se traîner là, genre, je le prends pas non plus. Ça fait juste confirmer ce qu'on pensait. Ça fait juste confirmer ce que je sentais. Puis c'est pareil pour les gugusseries de biologie totale, puis de ci, puis de ça, puis de gugusseries de PNL, puis toutes les gugusseries de la clique, l'autre, la troisième clique. Tout ça, là, ça en est de l'hostie de marde. C'est pas avec ça qu'on va faire quoi que ce soit. C'est pas avec ça qu'on va se préserver. Puis c'est pas en chiant sur le peu de bon qu'il y avait dans notre histoire puis nos ancêtres qu'on va faire de quoi de bien. Il y a rien à foutre avec ça. Tout ce qu'il y a à faire en ce moment, c'est observer puis de trier, puis d'être extrêmement méfiant, puis faire confiance à absolument personne. Parce que moi, je vais vous le dire, ces grands comme M. Cossette Trudel, que c'est un grand universitaire qui n'est pas capable de reprendre les gens quand ils font des erreurs grossières, les symboles, à la base, c'était pour exprimer l'indicible. Puis ça accompagnait ce qui était dicible, tout simplement. Justement, à faire tomber les trônes. Oui, c'est vrai que c'est pas parfait. C'était pas parfait comme système. Mais ce qu'on nous propose là, c'est loin d'être mieux. Puis, au fond, c'est lié, ça, justement, quoi? Ben, dans le temps, Isabelle la catholique a chassé du monde de chez eux, puis sont allés se réfugier dans des endroits où plus tard, il va y avoir la réforme, justement. Puis ces gens-là vont être liés à la finance. Puis par après, Louis XV, qui se fait mettre la pompadour d'un patte, puis qui se fait dresser pour triper ses petites filles, puis pas s'occuper des finances. Puis après ça, puis ça, tout ça, tant qu'à moi, ça commence avec la régence de Philippe d'Orléans, puis qui a fait casser le testament de Louis XIV, puis finalement, on se ramasse avec Louis XVI, endetté, parce que tout le temps, même affaire, la finance, c'est d'endetter exprès, puis Necker et compagnie, mais même là, ça avait commencé avant. Je veux dire, on le sait, puis on le sait que c'est lié, entre autres, à ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la synagogue de Satan. Puis moi, qu'on m'accuse jamais d'être antisémite, j'ai jamais été antisémite, j'ai rien d'antisémite, mais c'est juste que, comme parmi tous les peuples, ben, il y a des pommes pourries. Puis la pomme pourrie, chez ce peuple-là, on l'appelle la synagogue de Satan. Puis le premier à avoir parlé de ça, à ma connaissance, c'est celui dont vous riez, puis que quand, par projection, on continue à le bafouer à travers d'autres personnages, des personnages historiques, ben, vous autres, vous trouvez ça extraordinaire. Toute la situation dans laquelle on est, si jamais il y avait une réelle, vraie formation des esprits, des cerveaux, je parle comme dans le temps qu'on faisait faire ces humanités aux enfants de la noblesse, justement, au moins ça faisait justement du monde qui conservait jusqu'à un certain point ce qu'on pourrait appeler l'esprit occidental. Le seul devoir d'un roi, c'était le bonheur de ses peuples. Puis il y a seulement devant Dieu qui était redevable. Puis la noblesse, en temps de guerre, ben c'est eux qui dirigeaient les armées en première ligne de front, puis qui donnaient leur sang pour le peuple. Parce que une des responsabilités de la noblesse, c'était de rendre justice, entre autres, selon les mêmes principes les mêmes principes qui font que le roi, son devoir, c'est le bonheur de ses peuples, puis il est redevable devant Dieu seulement. Puis, mais il reste qu'il y a des groupes de gens, des philosophes, puis des affaires de main, qui ont pensé qu'il était au-dessus de tout, Mais tout se paye, il y a un temps pour tout, puis un jour ou l'autre, ben vous vous rendrez compte que ce que vous pensez être les germes de votre victoire, c'est des germes de mort. Merci, bonsoir. Ils sont descendus d'un ciel bien bas, pour mieux régner en sous-sol, et mener à la baguette tout ce qui s'assoupit au niveau du plancher des vaches. Surtout, les moutons que vous êtes, vous, les incrédules, vous, les pigeons, vous, les ignorants, avec les plus flatteurs artifices pour vitrine, respectabilité, honnêteté, désintéressement. Et votre assentiment, votre complicité, votre argent, pour idéales assises. Les francs-maçons que je connais, je ne vous dirai pas sans crier gare ceux qui sont en réalité. De toute façon, vous ne me croiriez pas. Je vais y aller doucement ici, pour que leur image se révèle peu à peu, à vos yeux, peu accoutumés aux éclats qui blessent. Vous, les pantins, eux, les élus. Mais cela ne saurait normalement se savoir. Prenez garde en lisant ce qui suit. Ça ne regarde pas les curieux, encore moins les indifférents. Alors, si vous avez peur de mes mots, vous les frileux, contentez-vous de bêler. Vos maîtres feront le reste. En effet, rien de mauvais ne devrait être signalé en ce qui les concerne. Ils incarnent le progrès, le bien, le vrai. Enfin, vous le savez d'ailleurs aussi bien que moi. Et vous acquiescez, vous les prudents, vous qui ne voulez pas faire d'histoire. Eux, les redresseurs de tort. Vous, les consentants. À l'école du vice, où ils portent les plus hauts chapeaux, ces gens apprennent vite à chanter les couplets de la vertu et à clamer la grandeur des lois républicaines. Pour y entrer, ils font leur preuve. Une patte blanche en guise de sésame, avec serment de serpent pour servir le bouc. Là, on les initie à toutes les obscurités séculaires. Leurs gants immaculés font illusion dans leur salon capitonné où pas une de leurs messes basses ne sort. Qui oserait imaginer que des porcs se couvrent ainsi de soie, qu'importe. Avec de tels attributs, ils peuvent se frotter les mains. Et c'est aussi à cela qu'on les reconnaît, à leur art de cacher la nuit en la présentant en plein jour. Avec eux, le mensonge prend l'apparence du soleil. Et leurs diableries sont radieuses. Le secret porté à un tel degré de noirceur n'est-ce pas la religion des menteurs? Faut-il donc tant de cérémonies, tant de ténèbres, tant de précautions, tant de détours, tant de codes et tant de masques pour défendre de prétendues bonnes causes? L'araignée à sa toile, ces sinistres initiés ont leur filet. Aux amateurs de clarté, comme moi, la vérité est un mets spécial qui le servent volontiers avec du vinaigre ou du poison, lorsque ça dépasse les bornes de leur pensée encadrée. Et ce, afin de décourager ces gueules trop acérées, faire taire ces loups aux cris inappropriés et aux idées décidément nauséabondes. Ne dénoncez surtout pas les complots de ces faux bienfaiteurs de l'humanité. Ils pourraient vous le faire regretter. Ils ont avec eux la puissance de l'État et la ruse des traîtres. Et rien de ce qui sent le soufre ne les fait reculer. Vous vous apercevrez bien vite que leur zèle à vous nuire sera proportionnelle à la blancheur de votre âme. Bref, s'ils se protègent sous leur cape, se réunissent dans leurs antres, se dissimulent sous autant de voiles opaques et de paroles lénifiantes, c'est parce qu'ils sont effrayés par une chose, une seule. La lumière. Vraiment, félicitations, Bertold. Et tu sais, je commençais tantôt en remerciant Bertold. Mais là, je te félicite. Parce que tu t'es tapé un travail, c'est tellement pénible. Amélie Paul et son, son, son espèce de... En tout cas, je vais être poli, là. Son espèce de... maçonnique, là, qui on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, dans le fond, là. Co-fondateur de la CAQ, on peut le traiter... Tu sais, t'es un... Bon, c'est ça. Tu fais quoi, toi, ou juste, là? C'est quoi, le monsieur Hamel, là, j'aimerais ça le voir avec son petit tablier. Moi, je trouve ça tellement grotesque, là. Esthétiquement, la franc-maçonnerie, c'est vraiment... C'est à se demander si c'est pas juste pour ça que c'est secret. Tu vois, là, tellement ça fait dur. Personnellement, tout ce qui est caché, là, ces affaires-là, là, que finalement, c'est de la pure hypocrisie, moi, je suis contre ça, justement, aujourd'hui. Je trouve que c'est... Il est là le mal, le mensonge. Parce que c'est du mensonge par omission. Et après ça, ben, tu sais, c'est, t'emmènes du monde, tu sais, c'est la séduction. Vous allez connaître des secrets. Puis là, tu leur en donnes un petit bout de secret. Puis là, après ça, eux autres, ils deviennent complètement méprisants envers le reste du monde. Parce qu'ils savent des choses que les autres sont épais, ils ne savent pas. Puis ils s'amusent à se faire des petits symboles entre eux autres. À un moment donné, j'ai arrêté de faire des recherches là-dessus, la franc-maçonnerie, les groupes. Parce que, tu sais, ça n'en finit plus. Mais il y en a. Puis ils ont tous des rituels rattachés à eux. Tu sais, c'est pathétique, en quelque part, là. Puis Amélie Paul qui joue tout le temps le même rôle de « Bon, encore, ben oui, mais c'est satanique, là, la pauvre victime, hein, de on va encore nous dire que, on va encore nous dire que, ben, elle tourne rien qu'autour de ça, ton émission de marde. Chris, t'as un cofondateur de la CAQ à côté de toi, t'es-tu conne, quoi? Tu t'attends à quoi, en ayant un cofondateur de... Je veux dire, t'es où? Vous êtes où? Vous représentez qui, pis quoi, là, maintenant, là? Tu sais, pis vous parlez à qui? Vous vous attendez à quoi? Fait que bref, ça devient un très mauvais divertissement. Moi, c'est là que je trouve que, d'un début, vous étiez tous popés parce qu'on était tous naïfs. Puis là, vous arriviez fort, mais là, vous êtes rendu dans du n'importe quoi avec n'importe qui. Tu sais, t'as un cofondateur de la CAQ qui est là. T'en as un autre qui est supposé parler pour au cœur des Québécois, si on veut, mais il défend les bouddhistes et les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de Canadien-Français là-dedans? Tu sais, c'est ça, là. Maintenant, là, vous faites quoi, là? Moi, je suis tout mêlé, en tout cas. Vous me tapez ses nerfs, vous m'écœurez. Puis de toute façon, là, les petites sociétés secrètes de marde, quand même, qui existent, qui n'existent pas, que ce soit un degré, que ce soit un autre, que ce soit lié à un ou à l'autre, qu'ils se fassent des chicanes ou qu'ils se chicanent pas, on s'en... Mangez la marge. Vous êtes épais ou vous êtes des traîtres à votre nation.